crawlers. También, sais pas, je ne sais plus, on dirait qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Les gyrophares sur les façades se reflètent ombroscopiques. Et soudain me pique un fonctionnaire de vacances. Oh, polyphonie sauvage. Par jour, polyphonie sauvage. Je te barre encore. Anxieusement, fonctionnaire de vacances, me pique. Je m'amuse en le cours géant sur mon tapis volant. Lentement, demander des visages.

Thank you. bien mal. Thank you. I'm